Ok, je te remets un cordon. T'inquiète. Pour 3G Prod. Ok. Ta mère. Si, si. De 3G Prod. Nickel, 2012, mon pote. T'inquiète, ça fait vite ta mère. N'oublie ce résume. En jetant le délire, on respire le délit, on vit dans le pire, un réveil assombri, trop de dix qu'on vit dans la nique, d'un ombre nautique à l'ordre mystique, ma vie se résume à parler, chier à aller, et les regrets sont fondés chaque jour, on fume, on s'encule, nos rues sont brutes, je me du cul, un costard de pute qui sent l'anus. Jean-Pierre Papin, dans ma hure y'a pas de putain. On crie, on veut du riz. Oui, on sourit comme la Chine. Chaque soir on pisse, on tisse, on viole ta meuf. Sur le bord de la Garonne, personne sauf des connes. Alors on détrône la daronne. Trop de drôles pour qu'on déconne. On dit grave, c'est pas grave. Trop de gens veulent me voir mort à l'âge d'or. Ma vie se résume, nos vies se résument. Trop de gens veulent me voir mort à l'âge d'or. Yeah. Trop de gens veulent me voir mort à l'âge d'or, ma vie se résume, nos vies se résument. Trop de gens veulent me voir mort à l'âge d'or, ma vie se résume, nos vies se résument. Trop de gens veulent me voir mort à l'âge d'or, ma vie se résume, nos vies se résument.